Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est reparti pour une nouvelle saison de votre émission sur le disco et le funk, Dr Disco et Mr Funk. Les vacances ont été bonnes, la reprise sera assurément excellente. Alors en plus de votre rendez-vous, tous les derniers samedis du mois, je vous raconterai l'histoire d'un groupe ou d'un artiste. Mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on a une émission classique. Pour la découverte, je vais vous proposer le groupe Numonix avec son titre « Got to give love one more try ». C'est une étoile filante, un one-shot car ils n'ont réalisé qu'un seul album en 1982, « Walling ». Le single en sera d'ailleurs tiré et puis le groupe disparaîtra dans les nimbres du funk. On va s'écouter ça maintenant. Alors aujourd'hui, pour les 100 hits, direction la croisière. Ça va vous rappeler des souvenirs de vacances, assurément. Rock the Boat de The Youth Corporation. Le groupe s'est fondé en 1969 et passe des années à jouer dans les casinos de Las Vegas. RCA, la célèbre maison de disques, les repère et va leur proposer d'enregistrer un album. Alors sur l'album, il n'y a que des ballades, mais Wally Holmes, l'un des membres du groupe, insiste pour y rajouter un morceau un peu plus dansant. En 15 minutes, il compose Rock the Boat, mais il n'arrive pas à convaincre les dirigeants de RCA. Le titre est réarrangé en s'inspirant des rythmes caribéens, des Caraïbes donc. La chanson va briller par de nombreux attraits. Une jolie mélodie au couplet, un refrain accrocheur, des harmonies vocales élaborées, des cordes et des cuivres discrets, mais qui explosent à la fin pour appuyer le solo de guitare rock. Et comme souvent, les DJ vont faire le reste. Alors ça sera classé numéro 1 du top 100, ça va encore un peu plus installer le disco dans le paysage musical. Wayne Casey s'en inspire pour écrire Rock Your Baby pour George Macrae, et ironie du sort, le titre détrônera Rock the Boat une semaine plus tard. C'est parti, bon voyage! Your touch has thrilled me like the rush of a wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. To keep me warm, oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Mr. Funk sur Fat Jam. La première reprise de l'année est faite par deux chanteurs très connus chez nous. Oliver Cheatham et D-Train qui reprennent Never Too Much de Luther Vandross. Alors l'original date de 1981 et bien sûr connaît un succès mondial. Le morceau que nous allons écouter est très stylé en 2000. Il y a beaucoup de rythme et vous allez le découvrir immédiatement. Cyclone. star, my guiding light, my love fantasy. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Passons maintenant au maxi du jour. J'ai envie de vous gâter pour débuter la saison. Alors on va se faire un petit Mel Brooks et son It's Got to Be the King, paru en 1981. Le titre de la chanson vient de la phrase fétiche du film La folle histoire du monde, dans lequel Brooks l'a dit à 3 reprises. Alors le single n'est pas classé au top 100 américain, il a eu un accueil plutôt limité dans les charts R&B et Dance, mais c'est en France que la chanson a eu un succès le plus important, puisqu'il s'en est vendu environ 400 000 exemplaires. Alors c'était en 1981 et ça donnait ça. While you do your dance. Now in 1789, the peasants were starving, but I was fine. We were hanging out down in Old Versailles. That's the weekend pass. to my queen and I. In the alleys of Paris, they was eating rats. But it was filet mignon for the aristocrat. There was dukes and counts and barons and earls. I gave them the titles, but I kept the girls. Blondes, redheads, wild brunettes. Ladies in waiting, I didn't wait to get. There was truffles for breakfast, tarts for brunch. The Lion of the Follies, Bergère for lunch. Out of line, Jack, you're in the Bastille. The party kept swinging all day and all night. The champagne was flowing, we were feeling all right. They were screaming for bread, things started to shake. But Marie Antoinette said, "We'll let them eat cake." Now the rabble wouldn't have it, they was angry at me. They built a big old razor called a guillotine. Then the people up shouted, "We'll have our day. Down with dirty war, give us Perrier." I said, "The more you roll, things might get screwy. But then never lay a finger on good King Louis. Just keep your cool, don't fret, don't freak. Or say, hey, say magnifique." It's good to be the king. Ooh, la, la, gee, but it's good to be the king. Your fantasy is my reality. You can be sure about one thing. Ooh, la, la, man, it's good to be the king. It's good to be the king. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. On arrive à notre première pépite de l'année. On va se faire une tranche de Earth, Wind and Fire et de leur titre Thinking of You. Sorti en 1988 et extrait de l'album Touch the World, il s'agit de leur troisième single issu de ce dernier. Le titre sera classé numéro 1 aux États-Unis et l'album sera lui numéro 3. Il sera certifié aussi disque d'or. Alors écoutons voir un peu cette pépite. Alors c'est le moment de se quitter. Je vais vous dire bonne soirée, bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain. Même heure, même endroit. Bye bye.